Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, c'est le carnet nomade Colette Fellous dans les paysages du Grand Maulne à la réalisation Vincent Deck. Chapitre 1er, le pensionnaire. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1890, point de suspension. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. À ma sœur Isabelle, a inscrit Alain Fournier sur la première page de son roman « Le Grand Maulne ». C'est à elle, en effet, que ce livre qu'il a commencé à écrire en 1907 et qui a été publié en 1913 a été dédié, et c'est elle qui secrètement court dans tout le roman. Ce roman, devenu presque un lieu de mémoire, et qui vient de tomber dans le domaine public avec de nouvelles publications chez plusieurs éditeurs, de nombreuses introductions, des grilles de lecture, des préfaces, des analyses littéraires. Dans la collection Folio, on peut lire également le très beau texte de Jacques Rivière, son grand ami, intitulé « Alain Fournier ». « Comment rattraper, écrit Jacques Rivière, sur la route terrible où elle nous a fui, au-delà du spécieux tournant de la mort, cette âme qui ne fut jamais tout entière avec nous, qui nous a passé entre les mains comme une ombre rêveuse et téméraire. » Alain Fournier, en effet, est mort très jeune, à 28 ans, porté disparu le 22 septembre 1914, comme tant de jeunes soldats, disparus eux aussi, 13 mois après la publication du Grand Maulne. Aujourd'hui, dans ce carnet nomade, pour saluer l'entrée de ce roman donc dans le domaine public, 94 ans après sa publication, j'ai eu envie d'aller sur les terres du Grand Maulne, là où le petit Henri Fournier a été à l'école, dans cette maison-école d'Épineuil-le-Fleuriel, le pays des épines fleuries, dans le Cher, où ses parents étaient eux-mêmes instituteurs et où depuis 1962, André Lullier et son mari Henri Lullier ont été eux aussi instituteurs et ont engagé leur vie dans le partage de cet amour qu'ils ont eu à la fois du Grand Maulne et de l'enseignement. Comment, minutieusement, ils ont aimé aller du roman à la réalité et comment ils ont laissé leur regard cheminer, comparer, admirer. Entrons donc dans les paysages du Grand Maulne avec André Lullier et avec Tiphaine Samoyau qui a écrit, elle, une très belle présentation du roman dans la collection Garnier Flammarion. En exergue de ce carnet, cette réponse de Pierre Michon à un entretien qui ouvre cette même édition Garnier Flammarion à la question « Quand avez-vous lu ce livre pour la première fois ?» Et Pierre Michon répond « Je l'ai lu dans les murs d'une école communale de village, un jeudi ou un dimanche, ou plutôt pendant des vacances, dans la salle de classe vide, à la place vide du maître, sur le bureau, la place de Monsieur Sorel, puisque c'était là que je m'installais pour lire les jours de congé. J'habitais la maison d'école, comme François Sorel, et pour les mêmes raisons familiales. Je pouvais avoir 12 ans. Je ne saurais dire si c'était l'hiver ou l'été, puisque l'hiver et l'été sont également présents dans le Grand Maulne. Mais je suis sûre que, lisant, j'entendais véritablement les bruits qui scandent le Grand Maulne, les galoches de l'hiver ou les appels des faneurs de l'été. Je n'avais pas besoin de planter le décor, j'étais en plein dedans. Dès les premières pages, c'était ma propre vie qui était là, décrite, noir sur blanc. Et pourtant, en même temps, dès l'attaque, c'était ce qui dépassait et sauvait ma propre vie. La morne campagne et le météore venu d'ailleurs qui fait exploser des fusées de juillet dans l'hiver et illumine la morne campagne, le comble de la famille, fête de Noël, grands-parents, dindes enveloppées dans des torchons. Et, s'y dérobant avec violence, le grand gars qui s'en arrache, fuit, le fugitif éternel. Je crois bien que c'est ça d'abord pour un enfant, le Grand Maulne. Au comble de la famille, apparaît ce qui transcende la famille, en libère la dénie. Voilà, on entre dans l'école du Grand Maulne. Voilà, ça c'est le... Nous sommes donc à Épineuil, Sainte-Agathe, et vous êtes là devant cette école où Alain Fournier disait qu'il avait passé les jours les plus chers et les plus tourmentés de sa vie. Et on commence par cette phrase où il avait écrit « Mon livre futur sera peut-être un perpétuel va-et-vient insensible ». du rêve à la réalité, rêve étant entendu comme l'immense vie enfantine. Et nous nous sommes rendus compte que dans ce roman qui paraît extrêmement, où il semble y avoir une grande part d'invention, on s'est aperçu qu'en fait, le plus petit détail, comme la main droite recroquevillée par une brûlure ancienne de la veuve de Luce, ne sont pas des détails inventés. Ils ont bien appartenu. C'est un détail qui a appartenu à une personne du village. Il a été comme une éponge quand il était ici. Il a absorbé tous ces souvenirs qui ont formé son enfance et il les a absorbés et il va les ressortir dans le grand monde. Et oui, quand il était tout enfant, très petit en oui, fait. Oui, il avait 5 ans lorsqu'il est arrivé ici. Il est resté ici jusqu'à 12 ans. Et il faut dire aussi que peut-être que ses souvenirs, il a magnifié ses souvenirs d'enfance parce que à partir du moment où il a quitté cette école, eh bien il a été pensionnaire pendant 13 ans. Il avait porté un uniforme, que ce soit l'uniforme de pensionnaire de lycée d'hiver ou l'uniforme militaire. Donc effectivement, et à partir de l'âge de 12 ans, quand il quitte cette école, il est séparé de sa famille. Et il va rechercher toujours ses moments. Et tout va revenir. Alors quand vous êtes en ce moment dans la réalité de cette cour d'école et vous êtes à la première page du Grand Monde, la longue maison rouge avec 5 portes vitrées sous des vignes vierges à l'extrémité du bourg, une cour immense avec préau et buanderie. Et tout autour des champs, le portail qui ouvre sur le village, la petite grille qui donne sur la route de la gare, et tout autour des champs et des prés. Donc vous voyez, vous êtes déjà dans le décor, même s'il vous dit que c'est une description sommaire, c'est tout à fait réaliste. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie. Demeure d'où partirent et où revinrent se briser comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures. Il y a encore l'odeur. Une odeur d'encaustique et de... Oui. C'est toujours très, très émouvant de reconnaître les lieux d'un roman. Alors ici, c'était la mairie où Monsieur Fournier était secrétaire de mairie. La mairie n'est pas évoquée là dans le roman puisque les enfants n'avaient pas à y venir, mais Alain Fournier évoque cette pièce-ci. Voilà le cabinet des archives, plein de mouches mortes battant au vent. Et le soir après la classe, pour lire tranquillement, Henri et Isabelle venaient s'installer sur la bascule qui était tout contre la fenêtre du jardin et ils lisaient là, assis sur la bascule, ils lisaient là tant qu'il restait une lueur de jour. André Lullier, vous êtes donc votre mari, Henri Lullier, a été aussi instituteur dans cette école et vous aussi à côté. Mais oui, nous étions. Depuis quelle année 62 Depuis octobre 1962. Mon mari a fait toute sa carrière ici, donc jusqu'à sa retraite. Et Henri, donc votre mari, portait le même nom que. Oui, ça a été. Il a dû s'identifier à ce métier. Et puis un attachement à l'école très profond. Oui, tout à fait. Ça, c'est certain. C'était l'école des hussards noirs de la Troisième République, où il fallait absolument tirer le maximum de chaque enfant, lui faire réaliser le maximum de ses possibilités et puis lui inculquer aussi des valeurs morales et civiques. Chapitre 2, après 4 heures. L'arrivée d'Augustin Maulne, qui coïncida avec ma guérison, fut le commencement d'une vie nouvelle. Avant sa venue, lorsque le cours était fini, à 4 heures, une longue soirée de solitude commençait pour moi. Mon père transportait le feu du poêle de la classe dans la cheminée de notre salle à manger. Et peu à peu, les derniers gamins attardés abandonnaient l'école refroidie où roulaient des tourbillons de fumée. Tant qu'il y avait une lueur de jour, je restais au fond de la mairie, enfermé dans le cabinet des archives plein de mouches mortes, d'affiches battant au vent, et je lisais assis sur une vieille bascule auprès d'une fenêtre qui donnait sur le jardin. Lorsqu'il faisait noir, que les chiens de la ferme voisine commençaient à hurler, et que le carreau de notre petite cuisine s'illuminait, je rentrais enfin. Ma mère avait commencé de préparer le repas. Je montais 3 marches de l'escalier du premier, je m'asseyais sans rien dire, et, la tête appuyée au barreau froid de la rampe, je la regardais allumer son feu dans l'étroite cuisine où vacillait la flamme d'une bougie. Mais quelqu'un est venu qui m'a enlevé à tous ces plaisirs d'enfant paisible. Quelqu'un a soufflé la bougie qui éclairait pour moi le doux visage maternel penché sur le repas du soir. Quelqu'un a éteint la lampe autour de laquelle nous étions une famille heureuse, à la nuit, lorsque mon père avait accroché les volets de bois aux portes vitrées. Et celui-là, ce fut Augustin Maulne, que les autres élèves appelèrent bientôt le grand Maulne. On va entrer dans cette classe où les pupitres sont immobiles, voilà. Restés intacts. Voilà, c'est donc la classe des grands, où il y avait 44 garçons de 8 à 12 ans, qui, à 12 ans, passaient le certificat d'études, mais pas tous, seulement ceux qui travaillaient bien et surtout ceux qui venaient très régulièrement en classe, puisque quand on consulte les cahiers d'appel, on s'aperçoit que les motifs d'absence, ce sont les travaux des champs et la garde des bestiaux. Et alors, c'était donc au premier rang, voilà. Près de la fenêtre, oui, qu'étaient... Parce que les élèves étaient disposés sur les tables selon le classement mensuel. Donc, il y avait la place du premier. Alors, pour secours élémentaire, la place du premier était tout au bout de la table. Et c'est de là, justement, que le jeune Fournier, quand on pense qu'il est resté 6 ans dans cette classe-là, il y a des moments où il a dû s'ennuyer mortellement. Et on le retrouve par 2 fois dans le roman, quand il parle de la pesante classe d'hiver et les classes où l'on s'ennuie. Donc, il a dû s'ennuyer. Et de temps en temps, il devait laisser son regard errer par la fenêtre. Et c'est de là, justement, qu'il apercevait, derrière cette maison blanche que vous voyez là-bas, il y a un autre toit un peu plus haut. Et c'est ce qui deviendra, dans le roman, La Belle Étoile. Et il a dû voir, fréquemment, des carrioles sortir de la ferme, s'engager sur le chemin... Et c'est ainsi qu'il va décrire le départ de Maulne quand il décrit les préparatifs de la carriole qu'on attelle, cette carriole qui s'engage sur le chemin blanchi de givre, puis qui disparaît au tournant là. Ce qui montre d'ailleurs que Maulne ne se perd pas en cours de route, mais il se perd dès le départ, puisque dès qu'il est arrivé au bout du chemin, il va tourner à droite. Donc c'est la mauvaise direction. Et il est perdu dès son départ, il est perdu. C'est merveilleux de s'attacher à ce point, à tous les détails. Tout à fait. Et quand il vous parle aussi, lorsqu'il vous dit que c'est lorsque les enfants entrent en classe à 1 heure que l'on s'aperçoit du départ de Maulne. Et la classe sent le hareng grillé. Et ça, c'est l'évocation du fait que comme il dit, les gars de la campagne, ceux qui venaient de fort loin, certains avaient parcouru jusqu'à 8 kilomètres pour venir en classe. Donc ils apportaient leur repas et à cette époque-là, on ne mangeait pas, la viande n'était pas un mets quotidien et il y avait Boujardon, le père du gros Boujardon du roman, qui était épicier. Et qui recevait des harengs dans des tonneaux, conservés dans de la saumure. C'était bon marché, et les gens en achetaient, et ça remplaçait la viande. Donc tous les jours, dans l'un ou l'autre pot, il devait y avoir du hareng. Et à 1 heure, je pense que tous les jours, la classe devait sentir le hareng grillé, et c'est une odeur qui l'aura marqué. C'est d'où cette évocation. Une petite leçon de morale qui est restée, voilà. Au tableau. Mardi 13 mars 1893, morale, la propreté est à l'homme ce que le parfum est à la fleur. Voilà. Mais on a remplacé celle qui était auparavant et que nous avions trouvée dans un cahier d'élèves et qui était la volonté et la faculté de se déterminer librement. Quand on pense que c'est une phrase de Platon et que M. Fournier avait fait copier ça à ses élèves un matin d'école, ça donne une idée de la qualité, du degré de l'enseignement de l'époque. Tout à fait. Il y a aussi un petit problème, oui, c'est drôle ça. Qui sont des problèmes de certificat d'études. Voilà, un marsan a un tonneau de 2 hectolitres et un autre dont il ignore la contenance. Il est rempli tous les deux de vin à 0,60 francs le litre, qu'il revend à 0,75 francs le litre. Il gagne ainsi 54 francs. Combien contient le deuxième tonneau? C'est terrible, ça, comme casse-tête. C'était le plus facile. C'était alors, le plus facile des le deux. Deuxième. Alors, le deuxième, c'est partager 45 francs entre un homme, 3 femmes et 5 enfants, de manière que chaque femme reçoive 2,5 fois autant qu'un enfant et que l'homme ait les 5/3 de ce qu'aura une femme. Ce qui est amusant, c'est qu'une femme ne vaut que 3/5 d'homme. On peut faire un peu de féminisme. Alors, où est le poil, ce fameux poil? Le poil, voilà. Bon, on l'a mis ici, je pense qu'il était un petit peu plus loin. Peut-être pas au fond, mais peut-être un peu plus loin aussi. Voilà. Alors là, sur les murs aussi de la classe, ah, les cartes, les animaux. Cartes de l'époque, les planches. Aussi, oui. Avec, et puis ça, c'était le globe avec lequel M. Fournier faisait des leçons de géographie. Et là, c'était le placard aux objets de système métrique devant lequel était assis Giraudin, qui mangeait des cerises pendant la classe, d'après Isabelle. Stéphane Samoyau, vous avez présenté ce grand môle dans la collection Garnier Flammarion, et c'est toute une plongée à la fois dans le roman, dans les personnages et aussi dans les échos qu'a ce livre, ce roman, et qui a été un vrai roman populaire, un vrai succès à son époque. Il a été publié en 1913. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'écho de ce roman. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez nous le présenter. Est-ce que d'abord, ça a été un roman que vous avez aimé beaucoup quand vous étiez enfant? Moi, je l'ai lu, comme beaucoup d'entre nous, à mon adolescence, à une époque où on pouvait encore donc raccorder cette enfance avec celle qui est décrite dans le livre, c'est-à-dire une enfance qui, pour ma génération, donc enfant dans les années 70, correspondait plutôt au monde des grands-parents, des souvenirs d'enfance encore liés au monde rural, à une certaine liaison avec une ancestralité, c'est-à-dire avec des racines qui appartenaient à un lieu, à un espace, qui est quelque chose que nous avons perdu. Et je crois qu'une des forces d'attraction de ce roman tient à cela, au fait que tous les lecteurs qui l'ont aimé étaient sensibles à la description d'un monde qui était en train de finir. Mmh. Et que ce n'est pas simplement donc, un rapport nostalgique à un monde qui n'est plus ou à un monde qui serait celui de l'enfance, mais que déjà il y a dans ce roman une conscience que ce monde va finir. Oui, c'était juste avant la Première Guerre mondiale, en plus. C'était presque prémonitoire. C'est... Oui, d'ailleurs, il est frappant que dans une des représentations cinématographiques du roman, le personnage de Maul meurt à la guerre, ce qui est le destin de l'auteur, en fait, hein, qui est le destin d'Alain Fournier, et qui, évidemment, n'est pas sous forme de prémonition dans le texte. Mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'il y est, et que le destin de l'auteur, mort donc à 28 ans, dès 1914, en septembre 1914, au tout début des combats de la Première Guerre mondiale, enfin, c'est comme historiquement inclus dans l'histoire, assez mélancolique et assez... dramatique finalement de la fin du roman. Et je crois que cette espèce de prémonition qu'il y a un monde qui disparaît, bon, qui n'est pas simplement lié à la guerre ou aux guerres mondiales qui vont s'abattre sur le XXe siècle. Et là, on est dans un milieu de rural, certes, mais d'instituteurs, où le monde paysan est extrêmement proche, mais où il y a déjà un détachement et où on voit que les personnages cherchent à fuir. Et je crois que ça, c'est l'histoire de beaucoup de nos parents ou de nos grands-parents. Tout dépend à quelle génération on est. Bon, c'est ce qu'on appelle dans les livres d'histoire l'exode rural. Mais je veux dire, dans la vérité des vies, dans la vérité des existences, des familles, c'est des coupures énormes. Et que ce texte, de façon très prémonitoire, enregistre, à mon avis, déjà. Et quand on lit adolescent, même si c'est on peut se poser la question, est-ce que c'est un roman de l'adolescence? Est-ce qu'il s'adresse aux adolescents? Mais quand on a le souvenir du Grand Maulne, il y a quelques scènes qui restent et qui sont presque toujours les mêmes d'ailleurs. Oui. Pour Donc il y a la fête, il y a le château, il y a l'école. Oui, ce qui est frappant, c'est que bon, moi-même, lorsque j'essayais d'évoquer le Grand Maulne, cela m'a frappé que sur ce livre-là, on se souvient de choses très marquantes qui ne sont finalement pas du tout la totalité du livre. Et sont plutôt des petits éclats dans le livre, des points de fuite, que l'esprit général du livre. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que tous les lecteurs se souviennent un peu de la même chose, d'une espèce de climat de fête étrange. C'est le nom même que le livre donne à cette aventure au château des Sablonnières. Et cette fête qui est en effet une échappatoire à tous les sens du terme, à la fois du monde dans lequel évoluent les personnages, mais aussi du temps, qui est celui de l'histoire, aussi de l'ordinaire des jours, puisqu'il s'agit d'une fête. Que cet événement finit par masquer en fait tous les autres, et que de cet événement on retient une sorte de rencontre amoureuse magnifique et éthérée avec une jeune fille, et que ça rentre en contradiction énorme avec ce qui advient de cette histoire, qui est une histoire d'amour tout à fait désastreuse, qui aboutit à la mort de l'héroïne à la fin du livre, mais pas une mort qui serait en quelque sorte l'accomplissement d'une passion, hein. C'est une mort beaucoup plus sordide en fait, beaucoup plus triste, beaucoup plus pathétique en fait. Et en fait, on oublie ça. Et donc, j'ai commencé ma préface en disant, voilà, on se souvient de la rencontre. On se souvient de quelque chose de... Auguste Hamon et Yvonne. Oui, qui est lors de la fuite, du départ vers quelque chose d'enchanteur, peut-être même d'un peu mièvre, cette fête, dont le caractère apparaît peut-être un peu plus démodé que véritablement enchanteur aujourd'hui. Alors que d'autres aspects, au contraire, peuvent, à mon avis... Oui, être disons, actuel, s'adresser, presque, c'est ça, s'adresser à des jeunes gens d'aujourd'hui qui seraient amenés à lire le livre. Oui, comme l'attachement à l'enfance, vous développez aussi le syndrome de Peter Pan. Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui en effet le syndrome de Peter Pan, qui est cette difficulté qu'ont certains garçons, certains hommes, à quitter l'enfance ou à grandir ou à prendre le sens des responsabilités ou à se détacher de la mère. Donc c'est quelque chose qui a été travaillé, qui est relié... au livre de Peter Pan de James Barry, qui est intéressant parce que c'est un texte qui a beaucoup marqué Alain Fournier, qu'il aimait beaucoup. Alors ce qui est très beau aussi, c'est le lien aussi d'Alain Fournier avec sa propre vie, pourquoi il a écrit Le Grand Maulne, les références à justement à l'amitié avec Rivière, et puis ce trio aussi, ce trio qui est... personnage principal du livre, enfin qu'on avance avec ce trio toujours et de voir dans la vie même d'Alain Fournier les échos du Grand Maulne, c'est très passionnant. Oui, ça c'est vrai et je pense que c'est aussi un aspect par lequel le livre peut continuer à séduire aujourd'hui, c'est que l'histoire amoureuse est loin d'être banale et en effet elle s'ancre dans la vie, elle s'ancre très fortement dans la vie d'Alain Fournier. Ce livre était dédié à sa sœur avec qui dans l'enfance il formait un couple très fusionnel, donc ça beaucoup de choses en témoignent, à la fois les écrits personnels de Fournier mais aussi les écrits de sa sœur qui a beaucoup écrit après sa mort. Des textes parfois contestés, mais en tout cas, elle a beaucoup écrit sur lui. Elle a vécu, en quelque sorte, à travers lui. Et par ailleurs, ce livre se nourrit de toute une correspondance et une amitié très, très profonde avec Jacques Rivière, qui deviendra le mari de sa sœur, hein, et qui est déjà le mari de sa sœur au moment où il écrit ce livre. Donc, le trio, le triangle existe dans la vie. Alors, il le transpose dans le roman de façon très intéressante, ce qui fait disparaître le personnage de la sœur, qu'il transforme en personnage de l'amoureuse. Et on se rend bien compte, en lisant le texte de très près, que les deux garçons sont amoureux de la jeune fille et que la jeune fille est aussi entre deux et qu'il y a des tas de formes d'échanges qui fait que le livre illustre une modalité de l'amour qui a été très bien décrite par René Girard, à savoir le triangle amoureux. C'est vraiment un triangle amoureux. Et comme là encore, dans Jules et Jim. Oui, c'est ça, comme dans Jules et Jim, je donne un extrait du texte, parce que c'est vrai qu'il y a cela aussi dans le texte, et qu'on oublie aussi, enfin qu'on a oublié, et peut-être qu'on peut mettre, qui sera plus un en souvenir. Avant. Oui. Parce que c'est quand même très frappant, et simplement c'est complexe. Et c'est pas étonnant qu'on oublie les choses complexes pour retenir les choses simples. Mais c'est un roman complexe. C'est un roman très complexe. Mais moi, j'ai été fascinée, en fait, par cette histoire, ce travail du triangle amoureux, le caractère, dans un sens très subversif, de cette histoire. parce que c'est pas du tout caché par le texte. C'est-à-dire qu'à la fin, lorsque Maulne s'en va, Yvonne donc se retrouve en quelque sorte, vraiment c'est pas vulgaire de le dire, mais dans les bras de François Sorel, et presque littéralement, puisque au moment, oui, qui est le narrateur du livre. Et c'est vraiment présent dans le texte, puisque au moment où elle meurt, il la porte dans ses bras, et c'est une scène d'amour, bon, évidemment déplacée, mais oui, qui est aussi l'écho de ces moments où il se retrouve seul avec elle. Oui, quand c'est Maulne ça. Part. Et oui. Où il manifeste un très profond amour, un très profond désir d'elle. Il s'occupe d'elle, il prévoit aussi de s'occuper de l'enfant comme s'il était son père. Et c'est vrai qu'au moment de l'épilogue, au moment où Maulne revient, il y a comme une sorte de double deuil pour le narrateur. C'est-à-dire non seulement il a perdu la femme qu'il aimait, mais il va perdre aussi son enfant. Donc il y a une rivalité aussi des deux garçons. Cette amitié, c'est aussi une rivalité amoureuse. Chapitre 4, l'évasion. À 1h de l'après-midi, le lendemain, la classe du cours supérieur est claire, au milieu du paysage gelé, comme une barque sur l'océan. On n'y sent pas la saumure ni le cambouis, comme sur un bateau de pêche, mais les harengs grillés sur le poêle et la laine roussie de ceux qui, en rentrant, se sont chauffés trop près. On a distribué, car la fin de l'année approche, les cahiers de composition. Et pendant que M. Sorel écrit au tableau l'énoncé des problèmes, un silence imparfait s'établit, mêlé de conversations à voix basse, coupé de petits cris étouffés et de phrases dont on ne dit que les premiers mots pour effrayer son voisin. Seul, au milieu de cette agitation, je me tais. Assis au bout d'une des tables de la division des plus jeunes, près des grandes vitres, je n'ai qu'à me redresser un peu pour apercevoir le jardin, le ruisseau dans le bas, puis les champs. De temps à autre, je me soulève sur la pointe des pieds et je regarde anxieusement du côté de la ferme de la Belle Étoile. Dès le début de la classe, je me suis aperçue que Maulne n'était pas rentré après la récréation de midi. Donc c'est par là, par cet escalier, je ne sais pas s'il y était, qu'il allait chez lui, dans la maison. Alors c'est donc là l'évocation qu'en fait Alain Fournier en disant que lorsqu'il faisait trop sombre pour lire dans le cabinet des archives, je rentrais enfin, ma mère avait commencé de préparer le repas, je montais 3 marches de l'escalier du grenier, je m'asseyais sans rien dire, et la tête appuyée au barreau froid de la rampe, je la regardais allumer son feu. Dans l'étroite cuisine où vacillait la flamme d'une bougie. Vous voyez, c'est l'évocation de cette pièce-là. Alors la vie, bien sûr, la vie de la famille, c'est dans la salle à manger qui est la pièce à vivre. Eh bien, c'était la seule pièce de la maison qui soit chauffée, mais chauffée par la cheminée. Donc il ne devait pas faire très chaud dans cette pièce. Oui, quand il dit que le père prend le poêle de la classe. Et voilà, et vient l'apporter dans la cheminée pour allumer le feu. Oui, d'abord c'est très haut de plafond. Et nous avons fait, vous voyez, lorsque vous voyez ces volets fermés, nous avons voulu faire comme Madame Fournier, puisque dans le roman, il écrit que sa mère, le jour de leur arrivée, il est en train de fureter petitement dans la cour, et sa mère vient lui dire qu'elle a constaté avec désespoir que ses meubles ne tiendraient jamais dans un logement aussi mal fait, puis elle va rentrer pour faire le compte de toutes les ouvertures qu'il lui faut condamner pour rendre le logement habitable. Et là, nous faisons comme Madame Fournier. Voilà, vous condamnez la fenêtre. Nous avons condamné cette fenêtre-là. Alors, il y a là diverses photos de famille. Et l'intérêt de ces photos, c'est que c'est lui qui les a prises avec l'appareil que sa mère lui avait acheté l'été 1900, à la fin de l'année de 5e, pour le récompenser d'avoir eu pratiquement tous les premiers prix et le prix d'excellence. Donc, vous avez Madame Fournier, la grand-mère Fournier, dont il emprunte le nom de jeune fille, Charpentier, pour l'attribuer aux grands-parents maternels. Et on sait aussi qu'il restait justement pendant les mois d'été à lire tous les prix qu'après son père allait offrir. Ah oui, avant, il les lisait avant. Sur la bascule, il les lisait avant. Oui, parce que Madame Fournier, qui était manifestement quelqu'un d'assez anxieux, n'aimait pas que ses enfants lisent trop longtemps, parce qu'elle avait peur qu'il s'abîme la vue. Donc elle limitait au maximum les lectures. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants s'échappaient dans le cabinet des archives pour qu'elle les oublie un peu et qu'ils puissent lire plus longtemps. Et il fallait ces livres, c'était un apport de lecture. Alors il fallait tout lire très très vite avant qu'on les distribue. J'aurais aimé lire ce passage. Oui, allez-y. Avec l'aide du médecin et d'une femme, passant un bras sous le dos de la morte étendue, l'autre sous ses jambes, je la charge contre ma poitrine. Assise sur mon bras gauche, les épaules appuyées contre mon bras droit, sa tête retombante retournée sous mon menton, elle pèse terriblement sur mon cœur. Je descends lentement, marche par marche, le long escalier raide, tandis qu'en bas, on apprête tout. J'ai bientôt les deux bras cassés par la fatigue. À chaque marche, avec ce poids sur la poitrine, je suis un peu plus essoufflée. Agrippée au corps inerte et pesant, je baisse la tête sur la tête de celle que j'emporte. Je respire fortement et ses cheveux blonds aspirés m'entrent dans la bouche, des cheveux morts qui ont un goût de terre. Ce goût de terre et de mort, ce poids sur le cœur, c'est tout ce qui reste pour moi de la grande aventure et de vous, Yvonne de Galais, jeune femme tant cherchée, tant aimée. Donc ça, c'est pas le Maulne, c'est pas le grand Maulne qui dit ça, c'est le narrateur. C'est le narrateur, oui. Et puis ce mot, la grande aventure, le mot aventure aussi qui revient toujours. Oui, ça aussi c'est très intéressant de donner, que chaque époque éprouve le besoin de donner son sens au mot d'aventure. Et que ce texte-là témoigne d'un sens particulier qu'on a donné au mot d'aventure, qui est cette espèce d'ouverture absolue de l'avenir, de l'ouverture à l'événement, l'attente, qui serait peut-être aussi ce qui caractérise l'adolescence comme temps de l'indéterminé, comme temps ouvert sur ce qui précède, c'est-à-dire encore lié à l'enfance, au passé, et puis ouvert sur un avenir totalement indéterminé et incertain. Et là aussi, tout ce travail sur l'aventure dans le texte, c'est un mot qui apparaît plusieurs fois et pas du tout dans le sens qu'on lui donnerait du roman d'aventure avec plein de péripéties, etc. Mais donc un terme qui a été réfléchi par les deux amis Alain Fournier et Jacques Rivière, qui a été théorisé d'ailleurs par Jacques Rivière dans un article célèbre, et où il dit que l'aventure, ça n'est pas la péripétie, mais ce qui arrive sans qu'on l'ait cherché, enfin ce qui est sans cause, d'une certaine manière. Ce qui ne s'inscrit pas dans une histoire successive, qui a logique, des causes et des conséquences, c'est ça. Mais qui soit vraiment, qui interrompe le cours des choses, du temps, et qui prend la forme ici, en effet, d'un déplacement un peu dans un autre univers, enfin, comme un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'héroïque fantasy, c'est-à-dire que de l'ordinaire, tout d'un coup, on surgit dans une autre dimension qui est la venue de d'autres coordonnées de l'espace et du temps. C'est ça, c'est que tout d'un coup, c'est vrai que c'est une définition un peu du fantastique. Et tout le roman, d'ailleurs, l'ouverture même du roman joue avec cette attente toujours. On attend que quelque chose d'incroyable arrive dans des paysages ou des décors quotidiens comme ça. C'est ça, on sent des premières phrases. C'est ça. Qu'on va être témoin de quelque chose de fantastique. Oui. Quelquefois, on ressent ça dans certains films où on a des paysages très calmes, des trop calmes. Et que de ce trop calme contient une sorte d'imminence du danger. Et effectivement, il se produit. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on ne passe pas tout à fait dans une autre dimension. On passe dans une autre dimension pendant quelques chapitres. Et ensuite, c'est les conséquences de ce passage qui vont être toutes examinées les unes après les autres. Et la deuxième partie du livre, que j'avais pour ma part totalement oubliée, comme la plupart des lecteurs... Oui, on se souvient surtout de la première partie. Voilà. En la relisant, je me suis rendu compte de son intérêt. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle m'obligeait à mettre le nez sur quelles sont les conséquences d'accepter de transgresser, d'accepter l'aventure, d'accepter une certaine folie qu'on peut avoir à un moment ou à un autre. Parce que d'une certaine manière, c'est ça qui se produit. C'est que les personnages... vivent un peu les conséquences de cette transgression. Mais c'est pas moral pour autant, mais c'est un peu tragique. couloirs s'organisaient des rondes et des farandoles. Une musique, quelque part, jouait un pas de menuet. Maulne, la tête à demi cachée dans le collet de son manteau, comme dans une fraise, se sentait un autre personnage. Lui aussi, gagné par le plaisir, il se mit à poursuivre le grand Pierrot à travers les couloirs du domaine, comme dans les coulisses d'un théâtre où la pantomime de la scène se fut partout répandue. Il se trouva ainsi mêlé jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse aux costumes extravagants. Parfois, il ouvrait une porte et se trouvait dans une chambre où l'on montrait la lanterne magique. Des enfants applaudissaient à grand bruit. Parfois, dans un coin de salon où l'on dansait, il engageait conversation avec quelques dandies et se renseignait hâtivement sur les costumes que l'on porterait les jours suivants. Un peu angoissé à la longue par tout ce plaisir qui s'offrait à lui, craignant à chaque instant que son manteau entrouvert ne laissât voir sa blouse de collégien, il alla se réfugier un instant dans la partie la plus paisible et la plus obscure de la demeure. On n'y entendait que le bruit étouffé d'un piano. Il entra dans une pièce silencieuse qui était une salle à manger éclairée par une lampe à suspension. Là aussi c'était fête, mais fête pour les petits-enfants. Après cette fête où tout était charmant, mais fiévreux et fou, où lui-même avait si follement poursuivi le grand Pierrot, Maulne se trouvait là, plongé dans le bonheur le plus calme du monde. Sans bruit, tandis que la jeune fille continuait à jouer, il retourna s'asseoir dans la salle à manger et ouvrant un des gros livres rouges épars sur la table, il commença distraitement à lire. Presque aussitôt, un des petits qui était par terre s'approcha, se pendit à son bras et grimpa sur son genou pour regarder en même temps que lui. Un autre en fit autant de l'autre côté. Alors, ce fut un rêve comme son rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano près de lui, c'était sa femme. Chambre. Voilà, donc on va passer là dans ce qu'Isabelle appelle le salon rouge et qu'il appelle, lui, la chambre salon. Et c'était effectivement plus un salon qu'une chambre et c'était là que Madame Fournier avait rassemblé ses plus beaux meubles, les plus jolis bibelots. Mais c'était une pièce qui était toujours fermée, elle ne l'ouvrait jamais et elle ne l'utilisait qu'une dizaine de jours par an. C'était lorsque le grand-père et la grand-mère venaient ici passer les fêtes de Noël et du jour de l'an. Et même s'il y a une cheminée, on ne faisait pas de feu pour autant quand les grands-parents étaient là, puisque là encore, dans le roman, on a ce témoignage. Le soir de leur arrivée, lorsque le grand-père pénètre dans la chambre salon est humide et glacée d'être close depuis l'autre hiver. Et puis, il relate les précautions que prend Milie, mais qui devaient être les précautions que prenait sa mère, puisqu'avant que les grands-parents ne viennent se coucher, on a relevé les bords du tapis, enlevé les têtières des fauteuils et rangé les vases. Il fallait... C'est vraiment une plongée dans un temps... Oui, tout à fait, oui. Perdu. Oui. Et puis voilà la chambre, couchés tous les quatre dans cette chambre-là, Henri dans ce type de lit qui était des lits assez étroits mais assez longs pour que les enfants y couchent jusqu'à 7 ou 8 ans. Et Isabelle couchait toujours dans son berceau puisqu'elle avait 2 ans et les parents couchaient dans ce qu'il faut bien appeler le grand lit. Voilà, donc avec cette photo là. Et puis celle-ci est un peu anachronique, c'est le mariage de la préférée des petites cousines de Nancy, Marie-Rose. Et Marie-Rose est morte à 27 ans, après avoir accouché d'une petite fille. Alors ça, il se trouve que dans les années 1910, autour d'Henri Fournier, il y a eu Isabelle, qui a failli mourir en mettant au monde sa propre fille. Il y a la belle-sœur de son ami André Lotte qui était décédée de ce qu'on appelait à l'époque une fièvre puerpérale et il était allé lui rendre visite. Et dans le roman, lorsqu'il décrit Yvonne de Galet, les joues rouges et marquées par la fièvre et le souffle court, eh bien c'est ce qu'il avait constaté en voyant la belle-sœur d'André Lotte. Alors moi je pense aussi, au fait, si Yvonne de Galais meurt à la fin du roman, eh bien, il y avait donc le décès de la cousine, de la belle-sœur d'André Lhote. Et puis, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec Péléas et Mélisande, puisque Mélisande meurt aussi après avoir mis au monde une petite fille. Et il y a aussi ce qu'il écrit lorsqu'il apprend que la jeune femme qui va lui servir de modèle pour Yvonne de Galais, lorsqu'il apprend qu'elle a un enfant, il écrit « Elle est plus perdue pour moi que si elle était morte ». Et à la fin du roman aussi, quand Maulne revient et qu'il prend l'enfant, son enfant dans les bras, il dit aussi « Il m'enlève encore quelque chose ». Que c'est, j'ai aimé. Oui, c'est l'arrachement de perpétuel, en fait. Tout à fait. Ça me fait repenser cette phrase où Alain Fournier parle de l'enfant qui attend toujours la merveille derrière la porte. Et je pense que c'est ce qu'il attendait, lui, toujours. Et bien sûr, c'était un événement ordinaire. Donc, c'est comme chaque un fois, rêve impossible. Voilà, tout à fait. Chaque fois, il était un peu déçu. Et c'est ce qu'on retrouve dans le roman. Oui, parce qu'en même temps, il y a aussi le merveilleux, cette ambiance de conte. Voilà. Aussi. Et puis, je pense que ça vient de réalité. Voilà, c'est tout à fait le talent d'Alain Fournier d'avoir vu la merveille derrière la plus petite réalité et surtout d'avoir les mots pour le dire. Carnet nomade dans les paysages du Grand Maulne sur France Culture, suite. Et quand on examine Tiphaine Samoyo, comme vous l'avez fait, toutes les coulisses hein, du livre, les notes, les 6 années où Alain Fournier a préparé son livre, qui s'appelait d'ailleurs au départ « Le pays sans nom ». Ça, c'est très intéressant aussi parce que c'est pas du tout comme vous le dites. D'ailleurs, c'est pas un livre qui veut raconter la nostalgie. C'est au-delà de ça. Il dit d'ailleurs « Je suis d'aucun pays ». C'est autre chose qu'il cherchait à dire dans ce livre. Oui, comme beaucoup de grands livres, le fait qu'il soit très ancré dans un paysage spécifique qui correspond en plus au paysage natal, personnel de l'auteur... N'en fait pas du tout un livre régionaliste ou limité à ce paysage. Il y a une recherche très forte de généralité. C'est aussi la force de ce livre et qui est passé par tout un travail. Hein. C'est un livre qui a 7 ans de genèse, ce qui, quand on pense à l'âge de l'auteur, au moment où il publie, est tout à fait considérable, hein, puisqu'il le publie il a 26 ans. Il a entrepris quelque chose, on a des témoignages hein, par des lettres, par sa biographie. Il a vraiment cherché à défamiliariser ces lieux. C'est-à-dire à leur donner une suffisante généralité pour que le texte devienne vraiment littéraire et que chacun puisse en faire son propre pays. Et je crois que ça, c'est la grande force du texte. Et cette entreprise de défamiliarisation, elle est passée par une quête, par une fuite. Il a beaucoup travaillé l'anglais. Et c'est certain que c'était une façon aussi de reconquérir sa langue autrement. De pas en faire la sa langue presque étrangère. C'est ça, de la rendre presque étrangère, de pas en faire la langue de tous les jours. Et de la même manière, son pays, il l'écrit depuis l'Angleterre, depuis Paris, mais pas depuis le lieu même. Et c'est ce qui lui donne sa généralité. Et c'est une obsession qu'on retrouve dans toute la correspondance qui correspond à la genèse du livre. Et j'avais rencontré cette phrase qu'il dit à Jacques Rivière, où il lui écrit... Je voudrais avoir toujours conscience de la relativité de toute vie, mais aussi exprimer chaque vie germée n'importe où, avec son organisme complet, la vie de la banlieue, comme celle des charbonniers au fond des bois. Qu'il ne s'agit pas de parler spécialement du monde rural, comme on pourrait le faire aujourd'hui avec nostalgie ou mélancolie d'un monde disparu. Il s'agit, en parlant de son propre monde et du lien qu'on a avec lui, d'évoquer ce lien profond que chacun peut avoir avec son milieu. Oui, ou quand il dit, je ne sais plus, je suis le passeur, le noir passeur. Des vies, des vies obscures. Le nocturne passeur des pauvres âmes, des pauvres vies. Voilà, je les passerai sur le rivage de mon pays où toutes choses sont vraies dans leur secrète beauté. Oui. Ce qui est frappant, c'est que c'est une phrase qu'on retrouve presque textuellement dans des interviews de Pierre Michon, qui dit que à quoi bon inventer des romans quand tant de vies obscures attendent d'être racontées et qui sont des vies de pays tout aussi reculés, même encore plus, un tout petit peu plus au sud de la France, et auquel il donne aussi une force de généralité. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve. Tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Maulne s'avança dans une allée où, 10 pas devant lui, marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle sans avoir eu le temps de réfléchir. « Vous êtes belle, » dit-il simplement. Mais elle hâta le pas et, sans répondre, prit une allée transversale. D'autres promeneurs couraient, jouaient à travers les avenues, chacun errant à sa guise, conduit seulement par sa libre fantaisie. Le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature. Lorsqu'il aperçut soudain, venant à sa rencontre, et forcé de passer près de lui dans les 3 sentiers. Elle écartait de ses 2 mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs très découverts. Ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser. Cette fois, le jeune homme salua en disant très bas « Voulez-vous me pardonner ?»« Je vous pardonne, » dit-elle gravement, « mais il faut que je rejoigne les enfants puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu. » Nous allons monter à l'étage. Sans bougie. Voilà, alors c'est à 7 ans qu'il est monté couché dans cette mansarde, puisque ses parents lui ont dit qu'il avait 7 ans et qu'il était assez grand, l'âge de raison bien sûr, et qu'il était assez grand pour aller coucher seul à l'étage. Et il va penser à cette pièce parce qu'elle a une fenêtre, seulement on ne la lui donnera pas. Madame Fournier va l'utiliser pour mettre sécher le tilleul, mûrir les pommes et le raisin. Voilà, c'est donc cette pièce-là que ses parents vont lui attribuer, tout simplement parce qu'elle est située au-dessus de leur chambre. Et M. Fournier va même fournir un bâton à son fils en lui disant « Si tu as peur la nuit, il te suffit de frapper sur le plancher. » C'était l'interphone à l'époque. Et c'est par cette lucarne, puisque pour compenser l'absence de paysage, c'est M. Fournier soulevait Henri, et quand il regardait en direction de l'ouest, à l'horizon, eh bien, il apercevait la colline et la chapelle de Sainte-Agathe. Et lorsque Alain Fournier a voulu remplacer le nom d'Épineuil, eh bien, il a pris ce nom de Sainte-Agathe. Il décrit cette mansarde très précisément dans le roman, pour que le lecteur puisse l'imaginer. Il était impossible de fermer complètement la porte, de frotter sur le plancher. Ah oui, et ça continue. Voilà, ça continue. Chaque fois, nous essayons de refermer cette porte. Chaque fois, nous étions obligés d'y renoncer. Et nous sentions, pénétrant jusque dans notre chambre, le silence des 3 greniers. Et quand Maune a posé sa bougie sur une table d'osier tressée par les bohémiens, elle envoie sur le mur son ombre errante et gigantesque. Eh bien, quand on s'aperçoit des proportions que prennent les ombres sur les murs et elles montent jusqu'au plafond, on se rend compte que ce petit garçon a dû éprouver des sensations pas toujours très rassurantes dans cette mansarde et qu'il a su restituer dans le roman. Et c'est très beau aussi la fuite de Maulne, quand ils sont dans la classe, quand tout le monde est dans la classe et qu'on sent la rumeur dit que Maulne est parti, a quitté. C'est aussi haletant, ce départ de Maulne. C'est très frappant parce qu'à la fois, il arrive comme un intrus, Là, c'est une nouveauté dont on sent d'emblée qu'elle va entièrement bouleverser, voire révolutionner le monde. Et ensuite, il y a cette façon dont il a évidemment de ne pas s'intégrer totalement au groupe, d'être toujours trop grand, trop libre, trop fort, toujours trop. Et pareil, cette scène-là, on la vit comme une fugue, comme une fuite, etc. Or, en fait, dans le texte, c'est pas tout à fait ça. Il transgresse une sorte d'interdit, etc., mais il fugue pas. Il veut faire... Oui, ce sont les autres qui pensent qu'il c'est a ça. Fugué. C'est ça qui est frappant. Et le souvenir qu'on en a, c'est qu'en effet, il fugue, il fuit. Mais au départ, il y a juste une histoire de transgression d'interdit assez banale et qui se transforme en effet en aventure. Oui. Parce que finalement, il va quand même chercher les grands-parents, il se perd dans la forêt, sur la route, oui. Avec quand même un des personnages principaux du texte qui est, et d'ailleurs... qui reste très présent, je crois, dans le souvenir et aussi dans l'oubli, c'est la brume. Et donc, il se perd dans cette brume. Et ça, c'est un effet très puissant aussi du texte, qui aide aussi le passage entre deux mondes. Est-ce qu'il y avait une volonté de la part d'Alain Fournier, en choisissant ce nom, le Grand Maulne, une référence au Roi des Aunes de Goethe ? Est-ce Oui, probablement. Probablement. Pour l'Allemagne, le romantisme. Il y a des points communs, hein, ce rapport au vent, aux éléments, la liaison entre la mort et les éléments comme ça naturels. Cette espèce de poésie aussi de l'Aulne. Alors, un des titres aussi du livre, à un moment, ça a été le Au pays des Aulnes, je crois, ou le royaume des Aulnes. Bon, il se trouve aussi que c'est un arbre très courant dans la forêt de Sologne, l'Aulne. Maulne, c'est aussi le nom d'un petit village du Cher, Maulne, sans S. On peut faire des hypothèses. Alain Fournier a beaucoup lu aussi, beaucoup aimé, beaucoup admiré. Il admirait Nerval, il admirait Debussy, Péléas et Mélisande aussi, qui circulent dans ce livre, dans ce roman. On voit que c'est le roman de quelqu'un de jeune, de quelqu'un qui est à la fois... très, très, très épris de littérature, mais aussi de la volonté de s'inscrire dans son temps. Donc il fait des études littéraires, il est en classe préparatoire, en Cagne, en Hippocagne. Donc c'est là qu'il rencontre Jacques Rivière. Ils sont tous les deux arrivés de leur province et ils vont voir les spectacles, ils vont écouter Debussy. Et ils sont très, très marqués par cette musique qui apparaît comme véritablement transgressive, quoi, nouvelle, absolument moderne. Parce qu'il y a quand même des effets de disharmonie, de rupture. Et on retrouve le même trio. C'est ça, dans Péléas et Mélisande, il y a aussi un triangle amoureux. Ouais. Golo, Mélisande, Golo. Péléas et Golo, et Mélisande. Qui meurent d'ailleurs presque de la même façon. De la même façon. Et aussi en mettant au monde un enfant. Simplement, il y a cet élément beaucoup plus présent dans Péléas et Mélisande et qui est assez gommé. C'est pour ça aussi que c'est peut-être plus moderne, le Grand Maulne, c'est cet élément de trahison. C'est-à-dire que les deux frères, l'un trahit l'autre. Il y a cette espèce d'histoire un peu immémoriale des deux frères en rivalité. Alors que la psychologie du Grand Maulne est plus fine. C'est-à-dire qu'il y a rivalité, oui, mais il n'y a pas de passage à l'acte. C'est beaucoup plus symbolique. Ça, c'est le grenier qui participe un peu à l'angoisse parce que c'est d'abord le plus obscur de tous les greniers. Et puis, il y a ce petit couloir. Pendant très longtemps, on a tiré le feu d'artifice du 14 juillet dans la cour même de l'école. Et il arrivait parfois que des fusées ne partent pas. Dans ce cas-là, M. Fournier récupérait ses fusées, les rangeait dans le petit couloir qui est là. Et chaque fois que les enfants accompagnaient leur mère qui venait mettre du linge sale dans l'attente des grandes lessives, eh bien, ils voyaient ces fusées. Et comme tous les enfants, ils auraient bien aimé en prendre une pour voir comment c'était fait. Et c'est intéressant de faire là le parallèle entre la réalité, ces fusées qui sont là, les enfants qui les voient avec interdiction d'y toucher, et le roman où Maulne, le jour même de son arrivée, va prendre des fusées. Et il a des allumettes dans sa poche, donc il peut faire partir les fusées. Alors, on va repartir vers le grenier central. Voilà, ici nous sommes dans le grenier central. Et là, j'évoque toujours cette phrase qui est à la fin du roman. « Pour celui qui ne veut pas être heureux, il n'a qu'à monter dans son grenier et il entendra jusqu'au soir gémir et siffler les naufrages. » C'est vraiment un très beau voyage que vous avez organisé à partir de cette maison, parce qu'on replonge vraiment dans, à la fois dans tout le roman, mais aussi dans toute une époque. Tout à fait, oui, aussi. Et puis, vous voyez, cette photo me touche beaucoup, parce que quand on lit la correspondance, on a l'impression qu'il avait la préscience qu'il mourrait jeune. Quand il écrit « Je sais qu'il y aura une guerre et que je n'en reviendrai pas ». Donc on avait cette préscience, et cette photo me touche parce que je trouve qu'il y a dans son regard, c'est exprimé par une phrase de Péléas et Mélisande. Quand le roi Arkel dit à Péléas, qui va être tué juste après, « Tu as le regard grave et amical de ceux qui ne vivront pas longtemps ». Et en écoutant cette phrase-là, j'ai eu cette photo-là devant les yeux, et je trouve qu'elle va très bien dans ce regard-là, grave et amical, de ceux qui ne vivront pas longtemps. Épilogue. Voici ta fille, dis-je. Maul n'eut un sursaut et me regarda. Puis il la saisit et l'enleva dans ses bras. Il ne put pas bien la voir d'abord parce qu'il pleurait. Alors, pour détourner un peu ce grand attendrissement et ce flot de larmes, tout en la tenant très serrée contre lui, assis sur son bras droit, il tourna vers moi sa tête baissée et me dit « Je les ai ramenés les deux autres, tu iras les voir dans leur maison. » Cependant, la petite fille commençait à s'ennuyer d'être serrée ainsi. Et comme Augustin, la tête penchée de côté pour cacher et arrêter ses larmes, continuait à ne pas la regarder, elle lui flanqua une grande tape de sa petite main sur sa bouche barbue et mouillée. Cette fois, le père leva bien haut sa fille, la fit sauter au bout de ses bras et la regarda avec une espèce de rire. Satisfaite, elle battit des mains. Je m'étais légèrement reculée pour mieux les voir. Un peu déçue et pourtant émerveillée, je comprenais que la petite fille avait enfin trouvé là le compagnon qu'elle attendait, obscurément. La seule joie que m'eût laissée le grand Maulne, je sentais bien qu'il était revenu pour me la prendre. Et déjà, je l'imaginais la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures. Je vais fermer les volets. Merci beaucoup, Madame Lullier, pour cette visite. Et on pense à votre mari pour qui cette maison et cette expérience du Grand Maulne a été si, si forte dans sa vie. Je vous remercie. Ça a été pour moi un grand plaisir aussi. Et puis, en même temps, beaucoup d'émotions. Voilà. On va laisser dormir un peu l'école. Voilà, c'est sur cette musique que se referme ce carnet nomade que nous dédions donc à Henri Lullier, qui a créé la maison-école du Grand Maulne à Épineuil-le-Fleuriel avec André Lullier. C'est un lieu qu'on peut visiter en groupe. Merci à Tiphaine Samoyau. Le Grand Maulne d'Alain Fournier en Garnier Flammarion est précédé d'un entretien avec Pierre Michon. Pourquoi aimez-vous le Grand Maulne? Donc Tiphaine Samoyau a présenté et annoté le Grand Maulne. En folio également, le Grand Maulne, suivi du très beau texte Alain Fournier par Jacques Rivière, avec une préface de Pierre Péju. En folio plus classique, un dossier par Hélène Tron et une lecture d'image par Agnès Verlet. Merci à vous, cher André Lullier. Donc, je signale aussi quelques lectures de Béatrice Comanger, Voyager, faire des noms magnifiques aux éditions Finitude. L'album L'autre et amont par Jean-Jacques Lefrère chez Flammarion, c'est un itinéraire biographique imagé. Côté enfant, un livre CD d'Alaka. C'est un voyage musical en Afrique de l'Ouest aux éditions Rue des Enfants. Et puis des lettres pour Liroli, la correspondance amoureuse d'Alfred de Vigny et de Marie d'Orval, 1831-1838 au Mercure de France, le temps retrouvé. Carnet nomade, Daphné Abgral à la coordination, Vincent Deck à la réalisation, Colette Fellou, je vous retrouve dimanche prochain à 14h où nous serons à Istanbul. Istanbul en stéréo couleur. Très bon dimanche à tous.